Chapitre 9. Tous les moines au couvent savaient que le prieur avait conclu à la fin prochaine du monde. Ils accueillaient diversement cette nouvelle. Les uns volontiers, les autres avec regret. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas sûrs d'y accorder leur confiance. Un jour, le frère Siméon, par ennui, entra dans la bibliothèque. Depuis longtemps, il n'y fréquentait plus. Il y entra en flânant, tout dénué de curiosité. Le prieur avait mis à la bibliothèque un moine, l'un des plus ignorants, l'un de ceux qui gardaient le mieux préservé la simplicité de leur esprit. Mais il écrivait à merveille. Il traçait joliment sur le vélin les caractères latins et grecs, sans chercher à comprendre les phrases. Il copiait, sans préférence aucune, les livres sacrés ou profanes. Il dessinait docilement des signes dont la signification lui était nulle. On eût dit que la Providence le destinait à cette tâche, où son habileté de main n'aventurait pas sa pureté mentale. Les couvents s'étaient alors constitués les refuges de la pensée humaine, au milieu des tribulations que la barbarie infligeait à la chrétienté. Il conservait parmi les livres de la Révélation, parmi les commentaires de l'Évangile et parmi les gloses dévotes, l'Antiquité aussi, tout ce qui avait surmonté l'injure des siècles, et auprès des lamentations de Jérémie sur les malheurs de la Judée, les plaintes de Tibulle relatives à l'infidélité d'une amie. Le frère Jérôme copiait, depuis des années, ce qu'on lui donnait à copier, les livres que le couvent possédait, de sorte que le risque d'une perte ou l'inévitable usure des feuillets et le dommage de l'encre qui pâlit fût ce moins à redouter, puis les livres qu'à cette fin d'autres communautés prêtaient pour un peu de temps. Le frère Siméon vit que le frère Jérôme pleurait et lui demanda « Quelle est votre peine ?» Le frère Jérôme répondit « De tout cela qui sera consumé par le feu du ciel. » D'un geste menu et pathétique de la main, le frère Jérôme indiqua les rayons de livres bien rangés. Il pleurait de plus belle, dont le frère Siméon sourit, d'une manière que le frère Jérôme put le voir sourire sans le croire moqueur. Le frère Siméon marchait de long en large, tandis que le frère Jérôme ne se consolait pas. Il vint à la table, où d'habitude le bon copiste se penchait, et sur la page commencée, vit un poème assez libertin de Catulle, laissé en suspens. Dami i basia mille deande, il murmura, deande santum, et sa mémoire continuait la kyrielle des mots câlins, quand il aperçut, tracé d'une tremblante main, ce mot désespéré, fini, que le frère Jérôme entendait la fin du monde, avant la fin du poème. Par la fenêtre ouverte, il vit son jardin, qu'il avait, ainsi que le frère Jérôme, le poème abandonné. Alors il s'approcha du frère Jérôme et lui dit, nous sommes fainéants, frère Jérôme. Le frère Jérôme répondit « Pour manger vos fruits et vos légumes ou porter à la chapelle les fleurs que vous auriez cultivées, il n'y aura plus personne. Et pour lire ces livres, personne. J'ai grand pitié de mon ouvrage et du vôtre. Le mien, dit le frère Siméon, n'était pas d'une année sur l'autre année. Le vôtre allait du commencement de la rêverie humaine jusqu'à ce jour. Il avait suivi tous les siècles d'une traite. La suprématie que le frère Siméon voulait accorder à la besogne du frère Jérôme rendit le frère Jérôme un peu fier, et la fierté le soutint. Le frère Siméon, voyant cela, eut le sentiment de bien faire. Il prit l'un des livres, qui était Virgile, et choisit la quatrième épilogue, où est promise au monde la venue de notre Seigneur en termes voilés de poésie païenne. « Écoutez-moi, dit-il, frère Jérôme, il faut que ce divin poème, où balbutie très joliment la vérité, soit lu encore une fois. Je n'entends guère le latin, confessa le frère Jérôme. Vous entendrez du moins le bruit que fit la vérité par la voix de Virgile un jour, et vous croirez voir une blanche et rose lueur d'aurore, venue d'Orient, colorer le faîte des monuments à Rome. » Il lut toutes les glogues, et son plaisir était visible sur son visage. Il ajoutait un peu de méditation secrète, au passage qui semblait marqué de prescience, et accordait aux endroits où la poésie redevient païenne sa bienveillance amusée. Le frère Jérôme l'écoutait, content de l'observer que l'activité de ses doigts eût donné de si belles choses. Ayant achevé sa lecture, le frère Siméon dit « Cela est charmant, et l'erreur s'y mêle à la vérité de la plus gracieuse manière. Il m'a souvent coûté d'arracher dans mes plates-bandes les jolis brins de l'herbe folle. » Il reposa Virgile sur le rayon et dit encore, en montrant toute la rangée des livres de toutes sortes « Voici beaucoup d'erreurs mêlées à quelques vérités. » « Beaucoup d'erreurs, » demande le frère Jérôme avec un peu d'inquiétude. « Mais oui, les livres ne seraient pas si nombreux, frère Jérôme, s'ils ne contenaient que la vérité. La somme de la vérité tiendrait en peu de mots. ce sont les alentours et les accès de la vérité qui font un interminable chemin tout en lacets et dont il faut que rendent compte les courageux ou nonchalants explorateurs. Frère Jérôme, ne méprisons pas l'erreur. Elle circule aux abords de la vérité. Elle y atteindrait, si elle avait le temps, après avoir tenté les sentiers, les uns après les autres, et ne fût-ce que par hasard, elle y serait amenée, au moment le plus imprévu. Quand je lisais tous les livres dans ma jeunesse, il me semblait parfois que la vérité, du fond de sa petite cachette, regardait d'un air curieux ou compatissant les égarés, suivait leurs tribulations, les voulait avertir, déplorait leur étourderie, aimait leur entrain. Leur persévérance, et à leur approche ou à leur départ, était en perplexité amicale. Sans doute plusieurs de ces vagabonds fervents ont-ils quelques jours et par mégarde poussé leurs pas jusqu'à elle. Ils ne le savaient pas, et ils sont retournés à l'erreur. La vérité allait leur dire « Me voilà !» et ils étaient ailleurs déjà. Le frère Jérôme écoutait le frère Siméon avec une attention qui, sans lui rendre clair un tel discours, le divertissait de sa douleur. Il était content que son ouvrage fût l'objet d'une éloquente estime, et avec une simplicité avantageuse, confondait l'initiative des auteurs et le zèle de leurs copistes. Peu à peu, il oubliait qu'un si grand labeur fut destiné à périr. « L'erreur est le faubourg de la vérité, frère Jérôme, » reprit le frère Siméon, qui charmait aussi sa mélancolie, et plus fine la berçait d'une chanson plus délicate. « Nous ne sommes que petites gens, et gens des faubourgs. Il y avait là des artisans. Quelques-uns n'auront fait que baguenauder, au lieu d'être à la besogne. Il y avait dans ce faubourg des bohémiens à peine campés. Maintenant, nous allons entrer dans la ville. C'est la Jérusalem céleste, où la vérité nous accueillera. Frère Jérôme, adieu. » Avant de quitter la bibliothèque, le frère Siméon donna un dernier regard au livre. Il en toucha de son doigt furtif une rangée. Son geste désigna tous les autres. Et il dit « Voilà tout l'effort de la pensée humaine. Elle avait ingénieusement bâti un château de rêverie, où l'on pouvait demeurer sans tristesse et avec honneur, en attendant mieux. » Alors le frère Jérôme, confus de reconnaissance, voulut rendre sa politesse au courtois visiteur, et lui dit « Votre jardin aussi était beau. » Il commençait de bien fleurir, avant cette bourrasque prémonitoire qui l'a dévasté. Vous auriez eu un printemps gracieux et un été fertile. » Le frère Siméon s'attendrit sur tant d'aménités, s'attendrit sur son pauvre jardin, puis médita un instant sur la double gentillesse de la nature et de la pensée. Il lui sembla que Pan et Psyché, divinités du paganisme provisoire et jolis emblèmes, étaient réunis par un mutuel amour, étaient un corps où une âme s'éveille, était la terre animée de l'esprit. La mort intervenait pour séparer ces deux êtres imparfaits et charmants. Les deux frères Jérôme et Siméon pleurèrent un peu de temps, l'un naïf et l'autre avisé. La merveille inutile et fragile du monde promis à la destruction. « J'ai pitié d'un brin d'herbe, dit le frère Siméon, et pitié d'un petit trait noir sur blanc marqué dans un livre. » Ni le frère Siméon ni le frère Jérôme ne pensaient l'un ou l'autre à lui, mais à l'univers où ils éparpillent leur chagrin.